4. Le docteur Buridan. 5 mois s'étaient écoulés depuis la sinistre aventure de l'écolier Aubry, et plusieurs autres disparitions mystérieuses avaient répandu l'étonnement et l'effroi dans le quartier de l'université. Et pourtant Jeanne avait pleuré sa première victime. Mais quelques jours après le meurtre, elle avait consenti à être consolée. Le second élu n'avait ni la naïveté juvénile, ni la docilité du premier. Introduit dans la cour, il avait voulu en pénétrer tous les mystères, et d'une main audacieuse avait arraché les masques des royales courtisanes. Une lutte s'en était suivie, le sang avait coulé et taché les robes de Jeanne, et de ce jour toute pitié devait s'éteindre dans le cœur de cette dernière. L'orgie, la débauche, rendent cruelle. La victime, sans pitié cette fois, fut cousue dans un sac et jetée à la Seine. Et désormais la mort eut sa place à chaque banquet, et son spectre, visible pour ces femmes sans cœur, ajouta son ironie atroce et on ne sait quel aiguillon sauvage à leur volupté. Voir se pâmer d'amour et entendre parler de passion éternelle un jeune homme qu'ils avaient condamné à mort avant de le connaître, le voir rire et pressentir dans ses étreintes les convulsions de son agonie prochaine, tels étaient les plaisirs des dames de la tour de Nesle. Cependant la Seine avait rejeté plusieurs cadavres, et la population s'était émue de ces crimes qui ne pouvaient être attribués aux bandits qui la nuit attaquaient les passants attardés. Quelques-uns les attribuaient à la justice royale, qui procédait en effet de cette façon. On dit même que sur les sacs on écrivait « Laissez passer la justice du roi ». Un jour une jeune fille vit recueillir et ouvrir un de ces sacs. Le cadavre était celui d'un jeune homme, d'un étudiant, elle le reconnut. Elle se retira de l'attroupement qui s'était formé et bravement se rendit, non chez le recteur de l'université, mais chez le professeur dont elle avait souvent entendu parler à ce jeune homme, le docteur Buridan. « Maître, lui dit-elle, je viens vous apprendre une triste nouvelle. On vient de pêcher dans la Seine un cadavre cousu dans un sac, et ce cadavre est celui d'un de vos élèves. Son nom, Éloi d'Orlan. Ah » fit-il avec une émotion douloureuse, car les professeurs de ce temps vivaient familièrement avec leurs élèves et s'attachaient à eux. « Voilà en effet 9 jours qu'Éloi d'Orlan a disparu. » Puis, après s'être informé du lieu et des circonstances qui se rattachaient à cette découverte, « Vous l'avez connu ? » reprit-il. « Oui, maître. Il habitait sous le toit de mon père. Sa famille était alliée à la mienne. Nous l'aimions tous, mon père comme un fils, moi comme un frère. » Et la douleur étouffa à demi la voix de la jeune fille. Cependant, elle reprit « Mon père fera les frais de sépulture, mais pour toucher au corps d'Éloi, il faut une permission du grand prévôt, si l'université ne le réclame. « Je vais chez le recteur, » dit Buridan. « Vous pouvez, jeune fille, compter sur moi. Mais un mot, je vous prie. Il vivait chez vous? Comment a-t-il disparu ?» La jeune fille rougit et se troubla. « Parlez, » reprit Buridan avec douceur. « J'étais son maître et son ami. Sa sœur ne doit pas avoir de secret pour moi. » Il y a 10 jours, j'étais dans ma chambre, voisine de la sienne, 2 hommes sont venus le voir. Les avez-vous vus? Non, mais la cloison était mince, ils parlaient haut et je les entendis. Avez-vous entendu leurs noms? Éloi les appelait messire Pierre et messire Gauthier. Ce n'étaient pas des étudiants, et d'après leur discours, c'étaient des gentilshommes. Bien, continuez, ma chère enfant, ne tremblez pas ainsi, qu'ont-ils dit? Cela est bien difficile à une jeune fille de le rapporter. Mais si cette jeune fille a pu l'entendre, voyons, qu'ont-il dit? Il lui parlait d'un rendez-vous d'amour. Hein? 2-3 belles dames, dont les maris étaient en voyage et qui voulaient se divertir. Une d'elles l'avait remarqué, disait-il, et désirait l'avoir pour amie. S'il savait garder un secret, il aurait pour maîtresse une des plus belles femmes de Paris et serait riche un jour. Mais sa vie répondait de sa discrétion. Ensuite, Éloi paraissait hésiter et voulait connaître au moins le nom de cette dame. Mais ils ajoutèrent qu'il devait ignorer son nom et sa demeure, et que s'il acceptait de les accompagner chez elle, il devait consentir à se laisser bander les yeux. Puis ils descendirent tous 3. Je voulus regarder dans la rue, mais l'avant-toi m'empêcha de les voir. J'étais très inquiète, très affligée. Je guettais le retour d'Éloi pour le dissuader. Je ne le revis plus. Après un silence méditatif, « Depuis 5 mois, fit Buridan, c'est le 7e écolier qui disparaît ainsi. » « N'avez-vous rien entendu, jeune fille? N'avez-vous rien entendu qui puisse vous faire croire à quelque pratique de sorcellerie, à quelque sortilège ?»« Non, maître. Éloi était bon chrétien. Dieu a pitié de son âme. »« Amen, » répondit le docteur. « Cependant, il ne pourra être enterré en terre sainte. Il n'est pas douteux, en effet, que l'écolier ne fût mort sans confession. » Néanmoins, le bon professeur fit réclamer le corps d'Éloi et l'accompagna avec ses élèves à sa dernière demeure. Dans une allocution qu'il prononça au sortir de la cérémonie, il s'éleva contre les mauvaises mœurs des écoliers et exhorta ceux-ci à se tenir en garde contre les pièges des femmes galantes, qui ne sont pas toutes les sujettes du roi des ribauds. Puis il termina en disant « Depuis 5 mois, voici la 7e victime que des pratiques infâmes et mystérieuses ont faites parmi nous. Éloi d'Orlan sera la dernière. Des renseignements nous sont parvenus sur les circonstances qui ont entouré sa mort. Que les assassins tremblent, nous serons bientôt sur leurs traces. » Ces paroles eurent un grand retentissement et parvinrent jusqu'aux frères d'Aulnay. Les assassins tremblèrent tout d'abord. Ils avaient à redouter un ennemi intelligent, puissant et acharné. Ils songèrent à fuir, mais leur maîtresse les en dissuadèrent. « Restez, dit Jeanne, pour nous débarrasser de cet homme. Si loin que vous alliez, vous ne serez pas plus en sûreté qu'à Paris. Cet homme menace de découvrir notre secret. S'il y parvient, la justice du roi saura toujours vous atteindre. Mais comment nous emparer de lui ? Je m'en charge, dit Jeanne. » Quelques jours après devait avoir lieu à Paris une cavalcade solennelle ou montre de la basoche, cérémonie instituée par édit de Philippe le Bel. À cette cérémonie devaient assister tous les magistrats et officiers du Châtelet, tous les membres de l'université, le roi, les princes et princesses. Les dames de la tour de Nesle parurent à ce carrousel, dans tout l'éclat de leur beauté, et par un hasard fatal, ce fut le docteur Buridan qui fut chargé par l'université de haranguer la cour. C'était un homme d'une 30aine d'années, d'une mâle et intelligente beauté, non seulement un orateur éloquent, mais un homme dont la distinction naturelle exerçait sur ceux qui l'approchaient une irrésistible séduction. Jeanne le voyait pour la première fois. Sa beauté, l'accent grave et harmonieux de son discours, son regard, cet éclair d'intelligence qui, dit-on, en impose aux lions eux-mêmes, jetèrent le trouble dans son âme. Les fils du roi Philippe étaient beaux, mais non de cette beauté d'expression que donne le génie, l'étude et la vertu. Jeanne, intelligente autant que passionnée, devait s'éprendre d'un tel homme. Jusqu'alors, elle n'avait point connu de véritable amour. Quant à Buridan, il dut certainement être frappé de la beauté des jeunes princesses. Nous ne jurerions pas qu'il ne lut rien dans les beaux yeux de Jeanne de l'admiration qu'il inspirait. Pour être philosophe, on n'en est pas moins homme. Mais il tomba de surprise en rêverie lorsqu'il reçut de la part de Jeanne un magnifique encrier en vermeil. Ce bijou était composé d'une coquille destinée à recevoir l'encre, surmontée d'un amour tenant une plume en guise de flèche. En sa qualité de philosophe, il était de force à deviner ce langage symbolique, mais il douta. Il imputa au démon d'orgueil l'idée qu'une illustre princesse pût adresser à un professeur de philosophie une déclaration d'amour. « C'est à mon éloquence, se dit-il, et non à ma personne qu'elle a voulu rendre hommage, et il détourna les yeux de la figurine érotique qui semblait le railler de son malicieux sourire. Mais malgré lui, son regard cherchait ce cupidon de vermeil. Il le cacha au fond d'une armoire, puis l'en retira, puis versa une goutte d'encre dans la coquille. L'encre est un poison. Enfin, il convint que le premier usage qu'il devait faire de cet encrier devait être la composition d'une épître en vers ou en prose, en français ou en latin, adressée à l'aimable princesse, et il se mit à l'œuvre. Cette composition acheva de lui monter la tête. S'adressant à une femme, il était obligé de faire l'éloge de sa beauté, et il était si bien pénétré de son sujet. Le compliment, écrit en excellent latin et copié sur un vélin plus blanc que neige, fut envoyé à l'hôtel de Nesle. Jeanne prit le vélin et essaya de le lire. « Hélas, dit-elle, je ne sais pas le latin. Veuillez donc prier votre maître de venir me lire et de m'expliquer son compliment. » Notre philosophe se rendit à la prière de la princesse, mais en quel émoi, grand Dieu ! Pourvu, se disait-il, que la princesse ne remarque point le trouble qui m'agite. Quelle humiliation pour moi, quelle honte pour l'université. Dans ses louables sentiments, il se montra plus timide que le plus jeune de ses écoliers. Jeanne, qui lui fit l'accueil le plus aimable, en fut d'abord étonnée. Mais bientôt elle ne put se méprendre sur la cause de cette timidité. Assise sur un siège élevé au milieu de ces dames d'honneur, elle fit prendre au jeune savant un tabouret à côté d'elle et presque tout le temps de la lecture se tint penchée vers le vélin où le docteur le comparait à Junon pour la majesté, à Vénus pour la beauté, aux muses pour l'esprit et la science, bien qu'elle ne sût pas le latin. Buridan sentait son regard, il sentait son souffle dans ses cheveux et par moments sa voix s'étouffait, les battements de son cœur s'arrêtaient. Il trouvait son discours bien long, et aussi parfois s'étonnait de la hardiesse d'expression qu'autorise le latin. Sans doute les dames, toutes surprises qu'un philosophe sût dire de si douces choses, regrettaient que leur sexe ne leur permît pas de suivre ses cours. La lecture terminée, Jeanne fit offrir au docteur une coupe de vin épicé et voulut lui montrer elle-même ses livres d'heures et les divers objets d'art qui ornaient son hôtel. Alors elle put causer. « Je n'avais jamais vu de savant, dit-elle, que ceux qui entourent le roi mon beau-père. L'âge et l'étude leur ont donné une mine revêche et un caractère farouche. Aussi je croyais que les livres étaient les ennemis des dames. » « Si les savants et les sages, répondit Buridan, étaient insensibles à la beauté et à l'amour, personne au monde ne serait plus à plaindre que les femmes d'une nature distinguée. Elles se trouveraient réduites à n'être aimées que des sots. Mais la science met cependant une distance entre les docteurs et les femmes. Celles-ci sont presque toutes ignorantes. Les femmes savent tout sans avoir jamais rien appris. Elles ont un sens divinatoire. Nous apprenons des livres le latin, le grec, l'hébreu, et d'elles nous apprenons le langage et le secret des passions. Les dames peuvent donc vous apprendre quelque chose. Mais les dames ne daignent guère arrêter leur regard sur les savants. Elles leur préfèrent les chevaliers aux brillantes armures. Toutes sont-elles ainsi ? Fit Jeanne en le regardant avec une ingénuité étonnée. « Ah, madame ! S'écria Buridan, je le crois. Mais je suis à vos pieds, et il ne tient qu'à vous de me prouver que je me trompe. » Relevez-vous, Buridan, dit Jeanne sans colère, mais votre renom de vertu me ferait craindre de vous un jugement trop sévère. Oh, Jeanne, ma vie et mon âme sont à vous, ayez pitié de moi. Je sais la distance qui nous sépare, mais mon amour n'en est que plus grand. Du jour où je vous ai vue, je sentis que je ne pouvais plus vivre ou mourir que pour vous. Vivez donc pour moi, répondit Jeanne en abandonnant ses mains aux lèvres de Buridan. J'ai besoin d'un ami, car je vis seule et bien triste dans cet hôtel de Nel. Les princesses, croyez-moi, sont encore moins heureuses que les autres femmes, et plus que les autres, cependant, elles ont besoin d'ouvrir leur cœur. Mais vous n'ignorez pas les périls qui m'entourent. Chaque heure de mes journées a son emploi réglé, et mes moindres démarches sont épiées. La nuit seule me délivre des espions, et me laisse la liberté de ma solitude. Nous ne nous verrons plus que la nuit. Quand donc vous verrez, avant les 8 heures, une lumière à la tour de Nel, suivez les saules qui bordent la rivière, et venez frapper à la porte de la tour. Mais prenez garde aux indiscrets, car le roi nous ferait périr. 5. Une nuit terrible. À partir de ce jour, le docteur oublia ses écoliers et ne songea plus qu'à Jeanne. Il s'abandonna à sa passion avec la fougue ardente d'un premier amour. De son côté, Jeanne avait gardé, vis-à-vis de Blanche et de Marguerite, le secret de sa nouvelle liaison. Et si ces dernières lui parlaient avec regret de leur plaisir d'autrefois, elle leur répondait qu'elle craignait de voir se réaliser les menaces lancées contre elle par le docteur Buridan. Les deux amants ne se voyaient qu'en tête à tête. La tour avait cessé d'être le théâtre des orgies sanglantes, et la scène ne charriait plus de cadavres. Lorsqu'enfin vint pour Jeanne l'heure de la satiété, Buridan, toujours épris, n'était point le débauché qui convenait à une pareille créature. Il fut surpris et affligé de sa froideur, sans savoir le moyen de réveiller en elle des désirs lassés mais non assouvis. Il devait donc arriver que Jeanne songeât à renouveler ses bacchanales d'autrefois. Tant pis pour Buridan s'il s'en scandalisait. Elle mit donc dans sa confidence les deux princesses et les frères d'Aulnay. À cette nouvelle fort inattendue, ces derniers se récrièrent. Ils se refusèrent à croire à la conversion du sévère philosophe. Pour eux, Buridan, c'était l'ennemi. « Ne vous avais-je pas dit de lui, je m'en charge ?» répliqua Jeanne. « J'ai limé les dents et les griffes du lion. Quant à sa discrétion, j'en possède des gages. Il est trop compromis pour ne pas garder le silence. Enfin, que vous dirais-je de plus pour vous rassurer ? Il m'aime d'un amour sans limite, d'un amour absolu. » On devait se rendre à de si bonnes raisons. Et voilà comment, à l'improviste, Buridan, un beau soir, fut introduit dans l'élégant repaire. Tout y était disposé comme la nuit de l'écolier Jehan Aubry. Nous laissons à penser sa stupéfaction à la vue des princesses Blanche et Marguerite, et surtout à l'aspect de mauvais lieu de cette retraite, à l'allure dévergondée de ces dames que dans son esprit il avait placées si haut. En vain il buvait pour s'étourdir et se mettre au diapason de cette orgie, quand tout à coup, entendant les femmes appeler par leur nom ses compagnons de table, il fut assailli par un souvenir terrible, Pierre et Gauthier. C'étaient les noms des deux gentilshommes qui s'étaient rendus chez Éloi d'Orlan. Ces trois dames dont les maris étaient absents, qui habitaient au bord de la Seine. Mais c'étaient ces trois femmes. Un sentiment d'horreur et d'indignation s'empara de lui tout entier. En un instant, rapide comme l'éclair, il eut la révélation des crimes qui jusqu'alors étaient restés pour lui un mystère. Un orage gronda dans son cerveau. Il connaissait l'histoire de Messaline, il la reconnut dans sa maîtresse. Jeanne était plus infâme et plus cruelle encore. Alors, comme Gauthier buvait à l'amour aveugle et son frère à Vénus impudique, il se leva à son tour, pâle, les regards flamboyants. « Je bois, » dit-il, en levant sa coupe. « À mes chers écoliers, Jehan Aubry, Éloi d'Orlan et tous ceux que des mains criminelles ont lâchement assassinés et jetés à la Seine. » Un silence glacial accueillit ces paroles. Les Daulnay s'entrant regardaient, stupéfaits. La foudre n'eût pas produit un effet plus terrible. Jeanne fut la première à se remettre. « D'où vient cette lugubre plaisanterie ? » fit-elle. « Ce n'est pas une plaisanterie, madame. Il est minuit, c'est l'heure des fantômes. Je bois aux fantômes de la tour de Nel. Ne vous sont-ils jamais apparus au milieu de vos orgies, ces spectres vengeurs ? Mais je viens de les voir, moi, debout derrière vous, Jeanne, et derrière ces deux gentilshommes, les pourvoyeurs de votre royal repaire. « Ah ! » fit Gauthier, « vous avez vu des spectres, mon maître, ceux de mauvais augure. Quand les morts nous hantent, c'est pour nous chercher. Croyez-moi, c'est un avertissement de votre fin prochaine. » « Mesdames, nous vous l'avions bien dit que cet homme était un traître. » Sur ces mots, les Daulnay décrochèrent deux coutelas du buffet et s'élancèrent sur Buridan. « Frappez, je suis sans armes, mais ma mort sera vengée, » répliqua celui-ci. « Insensé ! » s'écria Jeanne, « veux-tu donc périr ?» Puis à ses complices, « pas de sang, pas de lutte », ajouta-t-elle. Les Daulnay baissèrent leurs armes. « Et quel genre de mort me réserves-tu donc ?» demanda Buridan avec mépris. « Je te laisse la vie. Je n'en veux pas. Je ne veux pas te devoir la vie. Si, jure sur ton salut de ne rien entreprendre contre moi, et je te laisse libre. Jamais. Sorti d'ici, ce sera pour te dénoncer. Dussé-je partager ton supplice ? Il manque un dernier crime pour combler la mesure et abattre sur toi l'âge de la justice. » « Frappe donc, ou laisse frapper tes bourreaux. »« Ah, vous croyez, vampire, que vous pouvez chaque nuit appliquer vos lèvres aux veines de la jeunesse de Paris et compter sur la Seine pour être votre complice. Mais cette fois, vous avez mal choisi votre victime. Il faudra bien demain que Paris sache ce qu'est devenu le docteur Buridan. »« Nous laisserez-vous insulter plus longtemps par ce bavard ?» dit un Normand. « Emmenez-le, » dit Jeanne. « C'est un fou, mais sa folie est dangereuse. Mais ne versez point de sang. » Les Daulnay s'avancèrent pour exécuter ses ordres, mais par un bond soudain, Buridan se jeta sur eux et saisit le plus fort à la gorge. Il était d'une rare vigueur, et le misérable râlait entre ses mains quand il fut secouru par son frère. Une nouvelle lutte s'engagea. Buridan, d'une voix désespérée, criait cependant « À l'aide ! Aux assassins !» Mais les volets matelassés étouffaient sans doute ses cris. Les femmes, spectatrices de cette scène affreuse, se tenaient à l'écart, en dépit de Jeanne. Marguerite, voyant son amant près de succomber, lui donna un couteau. Cette armée d'assassins abrégea la lutte. Buridan, frappé à l'épaule et au front, tomba aveuglé par le sang et perdit connaissance. « Au poisson, maintenant, de faire le reste !» dit Pierre Daulnay. Son frère et lui se hâtèrent de débarrasser leur maîtresse de l'agonie de leur victime et traînèrent dehors le corps inerte de Buridan. Et comme Aubry, Éloi, d'Orlan et tant d'autres, ils le mirent dans un sac et le jetèrent à la Seine. Cependant, l'absence des assassins se prolongea. Pendant près d'une heure, leurs maîtresses inquiètes attendirent leur retour, mais en vain. Elles attendirent jusqu'à ce que le jour les obligea à rentrer chez elles. Le pressentiment d'une catastrophe ne leur laissa pas un instant de repos. Le lendemain, Marguerite envoya un de ses pages favoris s'enquérir de messire Gauthier et Pierre Daulnay, et l'on répondit au page que l'on n'avait pas vu ces gentilshommes depuis la veille à 8 heures du soir. Cette nouvelle remplit les dames d'épouvante. Que s'était-il passé ? Buridan n'était pas mort lorsqu'il l'avait jeté à la Seine. Les avait-il entraînés avec lui dans les flots ? Toutes trois sortirent de l'hôtel de Nel et coururent au rivage. Et près des sols, Jeanne découvrit la barque que Gauthier et Pierre avaient l'habitude d'amarrer non loin de Notre-Dame. À cette vue, les misérables se mirent à trembler. La barque était solidement amarrée à un saule, les rames reposaient au fond. Rien ne décelait une lutte ou un naufrage. Alors, comment les Daulnay étaient-ils disparus ? Pourquoi, après avoir amarré leur barque, n'étaient-ils pas rentrés à la tour ? Problèmes insolubles. Depuis le fameux discours du professeur Buridan, la Seine était l'objet d'une surveillance spéciale des plus actives. Des étudiants s'étaient même offerts à seconder les chevaliers du guet. Les dames le savaient. « S'ils étaient tombés entre les mains du guet, » dit Marguerite. « Nous serions perdus, » dit Jeanne, « à moins qu'ils ne sachent mourir. » Mais le ciel leur réservait d'autres sujets de terreur. Le dimanche suivant, comme elles se rendaient à Notre-Dame, elles aperçurent sur le parvis, en grand costume, un homme qui semblait les attendre au passage. Jeanne se signa, comme à la vue d'un spectre. Elle avait cru voir le docteur Buridan. 6. Les prisons du palais. Il se passait quelque chose d'extraordinaire. Paris se le disait, mais sans rien pouvoir préciser. On parlait d'un nouveau sacre péché en scène. Puis, rapporte la chronique, sans ajouter aucune explication, on disait que le diable avait livré à un moine les 3 belles filles du roi. Les mœurs du clergé de cette époque étaient tellement dissolues que nous devons supposer que plus d'un moine a dû monter l'escalier à vis de la tour de Nesle. Mais plus loin, nous verrons qu'un frère prêcheur fut accusé d'avoir donné un filtre aux princesses. Si cela était vrai, ce filtre expliquerait cette luxure enragée. On pourrait supposer que ces misérables princesses avaient pris des cantharides. S'imagine-t-on 3 femmes et leurs amants, à table, ainsi que nous l'avons vu, prenant au dessert du vin préparé avec des cantharides en poudre et se croyant possédés du diable. Le susdit frère prêcheur fut en effet arrêté et livré à la justice ecclésiastique, mais c'est tout ce que nous savons de lui et aucune trace n'est restée de ce curieux procès. Cependant, les 3 coupables entendaient venir à elles le palan d'une justice encore invisible, mais pressentie. Elles passaient les jours et les nuits dans les plus cruelles angoisses. Le roi avait rappelé près de lui ses fils, Charles de Valois, Louis dit le Hutin et Philippe dit le Long. Ces princes avaient fait à leurs femmes un accueil du plus fâcheux augure et avaient refusé de coucher sous le même toit. Que se passait-il? Le voici. Dans un des cachots noirs de l'une des tours du palais de Saint-Louis, la tour Montgomery, on avait descendu et chargé de chaînes 2 hommes arrêtés la nuit au pied de la tour de Nesle, vous savez qui. Ils venaient de quitter l'hôtel de Nesle et descendaient dans leur barque un énorme fardeau. Des gens du guet, qui depuis quelque temps exerçaient la nuit au bord de l'eau une surveillance active et se tenaient cachés dans l'oseraie dont nous avons parlé, les avaient aperçus. Et c'était ainsi que les frères d'Aulnay avaient disparu et que Buridan avait échappé à la mort. En vertu des privilèges dont jouissait l'université, le docteur n'avait été aucunement inquiété, mais ces 2 assassins avaient été immédiatement enfermés dans les prisons du palais. Le roi, se doutant de quelque scandale, avait d'abord ordonné de tenir cet événement secret et faire avertir Buridan de garder le silence jusqu'au jour où il plairait au roi de l'interroger. Puis le procès des 2 inconnus avait commencé secrètement. D'abord, ils avaient refusé de dire leur nom et qualité. Ils se nommaient Pierre et Gauthier et venaient de Normandie. Quant au meurtre, espérant que Buridan était mort, ils l'expliquaient par le vol. Alors, selon l'usage, on leur avait appliqué la torture. Ils avaient résisté courageusement, mais c'était bien peine perdue, car au moment où les bourreaux suspendaient leur cruelle besogne, ils voyaient entrer dans la salle de torture leur dernière victime, le docteur Buridan. Après avoir prêté serment, le docteur fut interrogé. « Reconnaissez-vous ces hommes ? » lui demanda-t-on. « Oui, dit-il, je les reconnais. Ce sont Pierre et Gauthier d'Aulnay, venus de Maubuisson en Normandie à Paris. Ce sont eux qui m'ont frappé des coups de couteau dont je porte au front la cicatrice et qui, me croyant mort, m'avaient enfermé dans un sac et allaient me jeter dans la Seine, quand le guet est intervenu. Pourquoi ces hommes ont-ils attenté à votre vie ?»« Monseigneur le roi, répondit le docteur, m'avait fait prévenir de garder le silence sur cet événement jusqu'à l'heure où il lui plairait de m'interroger. » Les juges se consultèrent et envoyèrent prévenir le roi de la demande de Buridan. Philippe habitait le vieux palais de Saint-Louis. Il ne se fit pas attendre et peu de temps après, il vint, suivi de ses fils et à côté de la justice de l'État, composa ainsi un tribunal de famille. Il n'avait encore que 2 vagues soupçons, mais il était décidé à ce que la lumière se fît, si cruelle que fussent les révélations. Sur son ordre, Buridan prit la parole. Il avait tout à redouter de la colère du roi et de son fils, Philippe le Long, mais il n'hésita point. « Sire, dit-il, votre majesté m'ordonne de parler, je vais lui obéir, bien que ce soit au péril de ma vie, et qu'en lui révélant la vérité, j'ai à redouter d'attirer sur moi les foudres de sa colère. Mais Dieu, qui a permis que je fusse miraculeusement sauvé des pièges tendus à ma faiblesse, du poignard des assassins et des flots de la Seine, Dieu qui m'a si évidemment marqué du sceau de sa protection, touchera sans doute de pitié le cœur du roi et inclinera ses conseils à la clémence. » La clémence n'était point la vertu dominante de Philippe le Bel, mais l'impatience qu'il avait de connaître la vérité le fit engager sa parole. « Parlez sans crainte, mon maître, lui dit-il. Dieu vous a sauvé pour me dire la vérité, le roi ne frappera point l'instrument qu'il lui a plu de choisir pour l'éclairer. Sire, le ciel a entendu votre promesse. reprit Buridan, soulagé d'un poids énorme. Et après avoir déclaré qu'il était un grand pêcheur, s'être humilié autant que sa conscience et sa prudence le lui conseillaient, il raconta comment il avait eu le malheur de plaire à une illustre princesse, comment celle-ci lui avait envoyé un cadeau dont il avait été obligé de la remercier, puis l'invitation qu'il avait reçue de se rendre à l'hôtel de Nell. « Il était bien difficile, ajouta-t-il, à un pauvre clerc, qui jusqu'alors avait ignoré les faveurs des dames, de ne pas être ébloui par l'éclatante beauté et la haute position de la princesse. Les grandeurs du monde peuvent donner le vertige, comme les abîmes, à l'âme qui ne s'est pas habituée à leur éclat. » Puis, de même qu'il avait débuté en parlant de l'intervention divine, il ne manqua point de donner dans le drame le rôle de traître démon. L'ange déchu, jaloux des vertus d'une si grande princesse, avait comploté sa perte. Cette explication adoucit autant que possible pour le mari Philippe le Long la peine qu'il devait ressentir d'avoir été trahi par un docteur en philosophie. Satan était un rival acceptable. En définitive, c'était un ange qui, avant de se révolter contre Dieu le Père, avait occupé une très haute position. Un prince de la terre pouvait être trompé par un prince des enfers. Buridan n'était pas gentilhomme, mais il n'avait été que l'instrument du premier gentilhomme de l'enfer. Notre docteur développa avec art ses considérations. Puis il arriva au drame de la tour de Nesle, nouveau sujet de colère dans la famille royale. Louis le Hutin et le prince de Valois, qui avaient alors écouté Buridan avec un sentiment de compassion pour leur frère Philippe, frémirent de fureur en se voyant intéressés au même titre que ce dernier aux horreurs de l'hôtel de Nesle. Leur fureur fut à son comble en apprenant que les amants de leur femme étaient deux misérables assassins que l'on venait de torturer. Le roi, lui, demeurait seul, silencieux et sombre. Lorsqu'enfin fut achevé cet étonnant récit, « Je vous ai donné ma parole royale, dit-il à Buridan, remerciez-en le ciel, car j'entends que justice soit faite pleine et entière. Ni la voix du sang ni l'honneur de ma couronne ne sauveront les coupables. » Il se leva, et avant de se retirer, se tournant vers les juges, il ajouta, « Je livre au bras du grand prévôt de Paris, pour être traduit devant votre tribunal comme de simples sujettes de mon royaume, celles qui ont été les princesses Jeanne, Marguerite et Blanche. Telle est ma volonté. » Une heure après, suivi d'une escorte nombreuse et d'un flot de populaire, le prévôt de Paris se présentait à l'hôtel de Nesle. Les trois princesses étaient emmenées, au milieu de la foule ébahie, dans les cachots du palais du roi, leur beau-père. Paris n'a jamais revu justice pareille. 7. La justice du roi Philippe. Il va sans dire que les frères d'Aulnay ne furent pas réintégrés paisiblement dans leur cachot. Quand la justice de ce temps tenait quelques misérables, elle le pelotait comme le chafet de la souris, faisant alterner les contre-griffes et les ménagements, prenant son temps et usant de tous les moyens pour compléter les aveux du coupable. Les d'Aulnay, après la déposition de Buridan, n'avaient plus rien à cacher, mais la justice, alléchée par leurs aveux, ne se tenait point pour satisfaite et voulait les contraindre à nommer leurs complices. Déjà on avait arrêté tous les gens de l'hôtel de Nesle, depuis le petit page jusqu'à la plus humble servante. Cela ne suffisait point. On rechercha tous ceux qui avaient eu quelque familiarité ou relation avec les princesses jusqu'au simple fournisseur. Plusieurs même furent mis à la question. Des perquisitions faites à l'hôtel mirent ainsi dans la peine un grand nombre de pauvres innocents. Puis furent entendus les témoins. Tous ceux qui, de même que la jeune fille dont nous avons parlé, avaient recueilli et tenu secret jusque-là les indices des crimes, hôteliers, taverniers, amis et parents des écoliers jetés en scène. Ce fut un long et lamentable défilé. Enfin, le tribunal prononça sur le sort des deux premiers accusés. « Nous regrettons qu'aucun document ne nous ait transmis le jugement complet. Nous nous bornerons à ce que les chroniques nous ont rapporté de son exécution. » Le matin du vendredi après le dimanche de la Quasimodo de l'an 1315, Pierre et Gauthier d'Aulnay furent transportés de la prison du palais à Pontoise sur la place du Martrois. C'était alors un pré récemment fauché. Un triple supplice les y attendait. Attachés chacun à la queue d'un cheval fougueux, ils furent traînés à travers le pré du Martrois. Détachés, à demi-morts, ils furent remis au bourreau et mutilés. On leur coupa les mains et on leur arracha la langue, punition des parricides et des parjures. Ce n'était pas tout. Ils vivaient encore. On fixa par des cordes à quatre piquets les bras saignants et les pieds des condamnés et on les écorcha vifs. Ce n'était pas tout encore, bien qu'ils dussent avoir succombé. On leur coupa la tête et on les suspendit par-dessous les bras, à deux potences pour servir d'objet de terreur aux hommes et de pâture aux oiseaux de proie. Cette justice faite, vint le tour des trois princesses. Marguerite de Bourgogne, reine de Navarre, femme de Louis X le Hutin, avait déjà subi le premier châtiment des femmes adultères. Elle avait été tondue, puis enfermée avec Blanche, comtesse de la Marche, sa belle-sœur, dans le château Gaillard. Elles avaient eu, dit la chronique, beaucoup à souffrir du froid pendant les rudes hivers de 1314 à 1315. Jeanne de Bourgogne, épouse de Philippe le Long, fut transférée de Paris au château de Dourdan, c'est-à-dire dans un cachot de ce château dont il reste encore aujourd'hui une tour curieuse à visiter. Ces trois femmes restèrent prisonnières jusqu'à ce que l'on eût définitivement statué sur leur sort. Lorsqu'une première satisfaction eut été donnée à la justice, lorsque le premier mouvement de colère se fut épanché, les considérations d'intérêt élevèrent la voix pour plaider les circonstances atténuantes. Jeanne, fille de Toncâtre, comte palatin de Bourgogne, avait apporté en dot de riches domaines. Elle appartenait à une maison puissante. Philippe le Long pesa ses considérations et le Parlement, après des débats nouveaux dont les principaux témoins étaient naturellement écartés, la déclara innocente. Son mari la reprit. Et en cela, dit l'historien Mézeray, il fut plus heureux et plus sage que ses frères. Louis le Hutin, dont cependant on a dit qu'il ne savait vouloir ni le bien ni le mal, malgré son caractère indécis, montra plus de fermeté. Après avoir répudié l'adultère et fait annuler son mariage, il fit demander la main de Clémence de Hongrie, et sa demande ayant été agréée, il ordonna de faire périr Marguerite. On exécuta cet ordre sans éclat. La misérable était toujours dans un cachot du château Gaillard. Un moine alla la confesser et la réconcilier avec le ciel. Puis le bourreau succéda au moine. Il s'approcha d'elle, impassible et muet, lui jeta autour du cou une serviette roulée en corde et l'étrangla. D'autres disent qu'il l'étrangla avec les tresses de sa chevelure, mais ses cheveux avaient donc repoussé bien vite. N'importe, elle avait de 25 à 26 ans. Elle avait eu de Louis le Hutin une fille nommée Jeanne, née le 28 janvier 1312. Elle fut mariée à Philippe d'Évreux en 1317. Restée Blanche. Bien qu'elle fût enfermée au château Gaillard, elle était accusée de continuer ses débordements. Le philtre était-il donc si puissant? À l'avènement de Charles VI, son mari, elle fut interrogée par l'évêque de Paris. Cette visite était pour elle d'un présage douteux, et tout d'abord elle put croire que le prélat venait la préparer à la mort. Mais point. Ce dernier, au contraire, venait l'instruire des démarches tentées par la comtesse Mao, sa mère, auprès de la cour de France et surtout de la cour de Rome. La comtesse, pour sauver sa fille, avait déclaré faussement au pape que celle-ci avait été la marraine du roi. Le pape, sous prétexte d'alliance et de parenté, cassa le mariage de Blanche. Le mari se tint pour satisfait. En conséquence, Blanche fut transférée provisoirement au château de Givray, en Normandie. Puis, plus tard, elle prit le voile à l'abbaye de Maubuisson, peuplée pour elle de si tendres et de si tristes souvenirs. Elle y mourut en 1328. Encore un mot sur le célèbre jeu en Buridan et nous en aurons fini avec les héros de la tour de Nesle. Il continua à professer à Paris. En 1344, il fut nommé recteur de l'université et en 1345, député près de Philippe de Valois pour demander l'exemption de la gabelle. L'historien Gaguin ajoute à ces détails que le docteur aurait osé professer la doctrine qu'il est permis de tuer une reine s'il est nécessaire. C'était bien hardi, mais il avait pour lui cependant l'exécution de Marguerite et si Henri VIII d'Angleterre l'avait connue, il aurait fort prisé sa doctrine.